Bah, du coup, on est avec Agathe, qui est syndiquée à la CGT, infirmière à l'hôpital du Rouvray. Et en plus, toi, tu faisais partie des personnes qui accompagnaient Philippe, qui lui est passé un conseil de discipline la semaine dernière. Ouais. Et là, aujourd'hui, on est dans le rassemblement en soutien à Thomas, cette fois, qui passe aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur où est-ce qu'on en est de cette situation ? Donc pour Philippe, le conseil de discipline de la semaine dernière, il n'a pas réussi à émettre un avis. Normalement, ils doivent se réunir tous ensemble, toutes les gens qui siègent se réunissent pour donner un avis à l'unanimité. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un avis concernant une sanction. Donc après, je crois, un truc comme 3h30 de discussion, ça aboutit à pas d'avis du conseil de discipline. Quoi qu'il arrive, la décision, elle est toujours dans les mains du directeur, mais généralement, il a un avis du conseil de discipline pour s'y référer. Là, il n'a pas de référence par rapport à la sanction, donc on attend de voir quelle est sa décision. Donc, il a toute l'attitude pour décider, ce qui ne nous rassure pas forcément, mais on va voir un peu comment les choses évoluent. On continue de mettre la pression, donc... On espère que ça va porter ses fruits. Et puis donc aujourd'hui, il y a Thomas qui passe également en conseil de discipline. On va voir un peu combien de temps ça dure et si le conseil de discipline arrive à se mettre d'accord sur un avis. Pour le conseil de discipline de Philippe, c'est vraiment... Il y avait une présidente, deux personnes de la direction, deux personnes du personnel. On ne s'étonne pas vraiment qu'ils aient du mal à se mettre d'accord. On voit bien que dans les positions, en fait, la direction, elle défend son positionnement d'avoir fait une note de service ou une communication pour réutiliser les masques à usage unique. Nous, c'est un truc ultra choquant dans notre profession. C'est un truc qu'on nous martèle pendant toutes nos études qu'il est hors de question de réutiliser un matériel à usage unique, c'est pas fait pour ça. À l'époque, on faisait bouillir des seringues en verre, ça n'existe plus, il y a des raisons. Et qu'on nous demande de réutiliser des masques, forcément, ça nous fait bondir. Donc, on voit bien que la direction n'est pas capable de se remettre en cause en fait, par rapport à cette décision qui était vraiment une décision locale au Rouvray. Et que, par contre, elle demande expressément aux personnes qui ont eu des injures de s'en excuser et de payer pour cette expression de colère, quoi. Donc, quelque part, il ne pouvait pas y avoir de consensus sur une sanction, parce que nous, elle nous semble intolérable, cette sanction, et puis eux, elle leur semble plus que justifiée, elle leur semble nécessaire, en fait, pour nous faire taire. Donc, forcément, on ne pouvait pas tomber d'accord. Donc, on va voir si ça fait pareil pour le conseil de discipline de Thomas. Et donc la semaine dernière, est-ce que tu peux nous dire en gros comment ça se passe, un conseil de discipline, ça dure combien de temps et puis comment ça se déroule ? Alors moi, je n'ai pas une grande expérience des conseils de discipline, c'est la première fois que j'allais accompagner quelqu'un donc en tant que défenseur, donc j'y siège pas, mais en tant que défenseur. Il y a une présidente du conseil donc, qui vient de l'extérieur de l'établissement. Faudrait revoir avec des collègues comment est décidée la personne qui siège en tant que président. Ça peut être des politiques, ça peut être des gens avec généralement des responsabilités ou des anciennes responsabilités dans la fonction, je pense, publique territoriale ou en tout cas dans la fonction publique, je pense. Et il y a des représentants de la direction, donc ressources humaines, administratives, il y a des représentants de la direction. Et puis après, il y a des représentants de la catégorie professionnelle de l'agent qui doit passer en conseil de discipline. Voilà. Et ça dure, tu m'as dit, 3 heures la semaine dernière ? La dernière fois, c'était 3h30. Ça dépend des débats, ça dépend des pièces à amener. C'est comme c'est une petite organisation, un peu de procès quand même. Quand ils rappellent les faits, ils donnent les accusations en fait, et les références législatives liées aux accusations. Et puis après, ils donnent la parole à la personne qui passe en conseil de discipline et à ses défenseurs. Et puis après, il y a des débats, des interventions de la direction ou des agents qui y siègent pour amener leur contribution au débat. Et donc ils ont un mois pour rendre leur décision. Là, c'est le directeur pour notre collègue Philippe. Moi, je suis pas très calée sur la législation liée au conseil de discipline, mais Ce qui avait été demandé, c'est que dans le mois, il puisse avoir une information et que en fait, le coup près, il ne soit pas comme ça au-dessus de sa tête comme une épée de Damoclès, sachant qu'il a déjà, en termes de stress, beaucoup, beaucoup subi. Donc, parce que quand même, le minimum de ce qui avait été requis en fait, par la direction, c'était 3 mois de suspension sans salaire, minimum. Donc j'ai envie de dire pour des insultes en fait qui ne mettent la vie de personne en danger, 3 mois de suspension sans salaire, c'est énorme quoi. Alors que pour le coup, le séchage de masque, potentiellement des vies, il en mettait en danger quoi. Donc, Ouais, puis des insultes qui sont une réaction à un danger grave quoi. Ouais. Et voilà, enfin, pour moi c'est un peu une réaction non seulement compréhensible mais légitime en c'est réalité ça. Quoi. Exactement. On parle pas de la même violence. Pas du tout à l'heure, on parlait de cette question de la violence, entre la violence du langage et la violence des actes. Mm-hmm. Et le fait que dans les tribunaux, il y a souvent ce truc-là sur le reproche fait à l'accusé de la violence de son langage ou quoi, alors que sans voir la violence des actes de l'ordre social, en fait, et puis de l'ordre, là, en l'occurrence, psychiatrique, quoi. Mm. Et puis par rapport à la responsabilité aussi, là, en fait, le conseil de discipline, quelque part, je ne sais pas, c'est quoi l'objectif de responsabiliser les gens qui insultent pour qu'ils arrêtent d'insulter. Mais en fait, la responsabilité des dirigeants là, et des notre direction qui a pris des initiatives qui sont carrément dangereuses pour les agents et pour les personnes qui viennent en soins ici, la question de la responsabilité, elle est jamais remise en question, elle est jamais discutée, alors que elle devrait être remise en cause et elle devrait être passée devant des tribunaux, quoi. Et bah on peut quand même dire aussi que là, sur le parvis de l'administration, là, donc devant les salles devant la salle où va se tenir le conseil de discipline, il y a eu une haie d'honneur pour Thomas et de déshonneur pour les autres. C'est ça. Comme la semaine dernière, il y a près de 200 personnes qui sont là. Donc il y a une mobilisation qui est réelle et qui est visible. Ouais, qui est visible. On voit beaucoup, beaucoup d'agents du Rouvray qui sont présents, un peu de tout corps de métier aussi qui sont présents. Donc de mobilisation, il y en a. Il y a eu aussi des messages de soutien officiels qui ont été écrits par le Collège des psychologues. Donc c'est les psychologues réunis de l'établissement qui ont écrit un texte. Il y a aussi la commission médicale d'établissement qui a écrit un texte pour amener à plus d'apaisement au sein de l'institution. Donc on attendra de voir ce que ça donne. Mais c'est sûr que globalement, en fait, les collègues ils sont assez soutenus. À part la direction, je crois qu'il n'y a qu'à la direction qui sont pas... Tout le monde est surpris de la situation. Hallucine de la situation. Mmh. Avec le fait que la mobilisation elle est importante parce que... En fait, museler Philippe et Thomas sur des questions aussi anodines, j'allais dire, bah, ça veut dire qu'après, comment est-ce qu'on ose contester des choses de manière ferme voilà. C'est sûr qu'il y a un enjeu à ce point de vue-là pour les agents du Rouvray et particulièrement pour ceux qui sont engagés dans la défense de nos droits, dans la défense de soins de qualité. Il y a un enjeu par rapport à ça de dire on ne peut pas... S'il y a des sanctions comme ça qui commencent à tomber, en fait, c'est le début de potentielle agression et potentielle complication et souci pour ceux qui l'ouvrent, quoi. Donc après, je pense qu'aussi pour les agents, c'est un pas de plus de la direction et notamment du directeur dans un management qui est fermé, qui est oppressant, qui est agressif, qui est maltraitant. Le management néolibéral tel qu'on le voit à l'extérieur partout, qui négocie absolument rien et qui envoie une répression dure au moindre mouvement de contestation. Quoi. Ouais, sous couvert de services publics, donc en fait avec des gens, les directeurs, ils sont difficilement déboulonnables. En tout cas, pour les mettre à défaut, c'est compliqué, quoi. Ils sont protégés de partout. Ouais. Mais on lâche rien. Ah non. Par contre, on est là et on lâche rien, ça c'est évident quoi. On se laissera pas abattre. Ça, c'est pas parce que le combat est difficile qu'on va le fuir. Merci. De rien.